comme cet oiseau brûlé qui renaît de ses cendres, comme cet oiseau sacré ressemble à s'y méprendre à ta vie, à ton sort. Depuis le temps qu'on crie ta mort, comme cet oiseau maudit par ceux qui disparaissent, ta tête est mise à prix chaque année dans la presse. Comme cet oiseau porteur du sang de tous les hommes, comme lui, tu as le cœur offert à ceux qui donnent ta vie et ton sang. Jusqu'à ma mort.